Donc voilà, ce qu'il faut noter aussi, pour terminer là, ma petite intervention, c'est que ce festival de rock, de pop, comme on appelait ça, figurait au programme, lui, Glenmore. Ça fait drôle, hein, parce que Glenmore, ce n'était pas ce qu'on vient d'entendre. Hein. Donc là, on sent, en regardant ça, on sent l'évolution, c'est-à-dire que la pop en Bretagne va commencer à, la musique celtique, ça va s'électrifier. Quelques mois auparavant, on est en 72, février 72, c'est Alain Cival à l'Olympia. Février. Si, je crois que c'est février 72. On a fêté les 50 ans, je crois. C'est en février, il me semble. Oui, je crois, vérifier, mais février, je pense. Et voilà, donc au programme, Glenmore, et ça, il y avait des Guenaïdus qui flottaient déjà dans l'assistance. Hein, et c'était. On voit cette évolution. C'était un peu osé de mettre Glenmore parce que, mais bon, il va lever le bras, il va chanter ses chansons. C'est à signaler quand même. Hein. Il n'y avait pas que les groupes de rock, que les meilleurs groupes de rock nationaux. On a émis quand même. Glenmore était au programme. Quoi. Donc on sentait cette évolution. Alors puis Bigoudin, après qui va donner, on va arriver avec les Sonnerian Dew et tout ça. Là, on part sur une autre. Ce que va être traité le revival après, je crois. Hein. Voilà, là. Le 31, c'est le revival. Donc, je sais qui? Ouais, mais Laurent Bigot va accrocher là. Je pense qu'il va commencer là, quoi. Déjà, dans le rock se mélangeait avec le celtique, là. Voilà. Déjà, à la chanson bretonne, quoi. Hein? Ah, Carthage, après, oui. Bah, alors, c'est Brest, là. Hein. Là, c'est Brest. Hein. Ouais. Donc, voilà. Là, il va accrocher. Le revival, c'est ça, là. On sent déjà en 72, sur la prairie de Plounéour, ce revival qui est naissant, là, quand même. Voilà. Bon ben, voilà ce que je voulais vous dire.